L'osa de l'osa. Hey. Yeah. Faut qu'on leur faire du bien. Ils ne retiendront que le mal. Ne faire que du sale. Reste un devoir crucial. Nous vivons faire vos revolvers. Moi et mes confrères, on veut tout et son contraire. Faire du seuil, niquer les chaînes. Enfreindre les règles, fixer les siennes. Il paraît que le secret pour être heureux, c'est de savoir être heureux en secret. Au quartier, je vois quelques bêtes de rageux. Pour ces fils de pute, le nain est prêt. J'ai mon 6OR, près des longs pères. Je t'emmène avec moi en enfer. Si tu veux me faire, où sont mes frères? Certains ont mes fers, d'autres 6 pieds sous terre. Alors roule en gros terre. Le regard est froid, mais dans le sang c'est le Vésuve. Je suis aussi blanc que Jésus, aussi en chaque Crésus. Mec du dehors, je n'ai pas changé de bord, ni perdu le nord, yeux ouverts quand je dors. Je pourrais louper le coche, sombrer, toucher le fond. Pas dans cette vie, ils veulent me trouer le corps. Je m'endors sous le pont. Pas dans cette vie, je veux entrer chez Merco, choisir la rouge, puis aussi la noire. Pas demander le prix, je pourrais aimer toute ma vie, mais pas dans celle-ci. Je pourrais louper le coche, sombrer, toucher le fond. Pas dans cette vie, ils veulent me trouver le corps. Je m'endors sous le pont. Pas dans cette vie, je veux entrer chez Merco, choisir la rouge, puis aussi la noire. Pas demander le prix, je pourrais aimer toute ma vie, mais pas dans celle-ci. Si c'est pas moi pour qui tu te fais belle, meuf j'aimerais savoir mais qui te baisse. Quel est le los à qui je lui demande du? Quel est le chanceux qui lui me secue? Pour toi combien tu me fais le kill de refus? Pour avoir ce que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Faut juste un prétexte pour ces fils de te pu. J'espère que le message est pire que reçu. Je les calcule pas, je veux pas que mes actions chutent. Vendredi soir je suis au checks, lendemain je suis au Radisson. Dans la suite la plus chère, en train de me faire ses supports aux avions russes. Selon toutes les tests, comme une paire de requins. Ma voix dans le snap de tous vos points comme le filtre chien. On m'appelle le D. J'fais que de la D. G-E-M-G, G-A-N-G, à bord de 6-3 AMG. Mes petits font le gay, pendant que tu fais le gay. J'écoute ce qui passe en radio, c'est tout flingué. J'fais graphiste de prolo, qui ne rêve que de gros lots. Pendant que les refrains font l'odo, sur le terrain on se gèle les gros lots. Tu veux faire le colo, j'vais te faire cracher mes velos. Rafale dans le lot, allo maman bobo. J'pourrais louper le coche, sombrer, toucher le fond. Pas dans cette vie, ils veulent me trouer le corps. J'm'y dors sous le pont. Pas dans cette vie, j'veux rentrer chez Merco, choisir la rouge, puis aussi la noire. Pas demander le prix, j'pourrais t'aimer toute ma vie, mais pas dans celle-ci. J'pourrais louper le coche, sombrer, toucher le fond. Pas dans cette vie, ils veulent me trouer le corps. J'm'y dors sous le pont. Pas dans cette vie, j'veux rentrer chez Merco, choisir la rouge, puis aussi la